pour déplacer ta remorque ou ta roulotte, pour un voyage de pêche ou pour amener tes enfants à leur partie de soccer. Et comme tu travailles fort, ça te prend un camion pour te surpasser. Le Ford F-150 est pour toi. Tous les autres camions voudraient lui ressembler, mais il n'y a qu'un seul Ford F-150. Passe le voir chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien et profite de la super promotion du prix employé Ford. Tu obtiendras les meilleurs rabais sur tous les véhicules Ford et sur ton F-150. On t'attend chez Jean-Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien. On va parler de natation en eau libre. Il y avait en fin de semaine le 10 km FINAC qui se déroulait en fin de semaine à Roberval. Et il y avait une nageuse de Dolbeau-Mistassini qui était là, c'est Gabrielle Savard. Question un peu de savoir un peu comment elle a trouvé ça. On lui parle. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Ben Gabrielle, c'était ta première, c'était ta compétition. Ça a été un petit peu plus difficile. Mais je lisais dans le journal ce matin. Tu as eu des problèmes, hein? Ouais, j'ai fait une petite erreur au début de course, puis c'est sûr que j'ai payé pour 8 km après, là, fait que... Quel genre d'erreur t'as fait? Ben, en fait, c'est que j'ai mal comme contourné la dernière bouée du premier tour, puis c'est ça, j'ai dû retourner sur mes pas pour aller la repasser. Fait que, en faisant ça, j'ai perdu le bac le peloton de tête. Fait que c'est sûr que ça va vraiment plus vite en peloton parce que à cause du drafting, fait que une fois que j'ai perdu les pieds des filles en avant moi, j'ai pas été en mesure de les rattraper. Puis tu sais, j'ai beaucoup forcé sur le deuxième tour pour essayer d'aller les rattraper en espérant que je sois capable de rattraper les filles avec le feeding, mais ils n'ont pas été ravitaillés, donc okay. J'ai fini ma course toute seule après. OK. Et puis ça, c'est dur par la suite, quand tu commets une erreur comme ça, de continuer, hein, de recommencer, en fait, là. Ben, en fait, c'est que, tu sais, le pack de devant, il va vraiment plus vite. Quand on nage en groupe, c'est toujours plus rapide que seul. Fait que, une fois que j'ai perdu le pack, moi, j'allais beaucoup plus lentement que l'autre. OK. Puis, le fait que j'ai été vraiment vite sur le deuxième tour pour essayer d'aller les rattraper, j'ai perdu beaucoup d'énergie avec ça, puis il me restait 7 km à aller après le deuxième tour, donc c'est sûr que la course a été plus dure, puis aussi l'eau était pas très chaude, fait que toute seule, c'était vraiment un peu difficile de nager là, mais okay. En fin de compte, c'était pas une très bonne course, mais... C'est l'expérience qui rentre à quelque part, là, encore. Là. C'est ça. C'est des choses qui arrivent, c'est peut-être une erreur en début. J'aurais pas dû faire. Puis... OK. Mais est-ce que tu me disais que t'avais mal à l'épaule actuellement avant de rentrer en ombre? Ouais. Est-ce que ça a un lien direct? En fait, c'est une blessure que je traîne depuis longtemps. Là. OK. Puis, je me fais suivre par des ciseaux et des chiros, mais dans mon objectif de faire la traversée l'année prochaine, j'ai décidé de prendre un mois de vacances cet été. Okay. Pour essayer de recommencer la saison le mieux possible, parce que ça va être une grosse année. OK. Est-ce que tu... parce que là, actuellement, je pense que c'est l'université. Hein, tu cours au niveau universitaire, c'est ça? Non, il me reste un an de cégep encore. Ah, il te reste encore un an de cégep, OK. Ouais. Mais tu cours pour le Rouge et Or à Québec, je pense, hein? Oui. OK. Oui, mais côté civil. OK, côté civil. Puis comment ça va de ce côté-là? Ça va très bien. Une super bonne petite saison en piscine cette année. C'est une de mes meilleures saisons sur elle. C'est sûr qu'elle a été difficile parce que j'ai été quand même beaucoup malade au début de l'année. Là. OK. J'ai fait une pneumonie, j'ai été obligée d'arrêter de m'entraîner pendant quelques semaines. Fait que, tu sais, j'ai comme recommencé une nouvelle saison complètement à Noël, en fait. Là. Après les vacances de Noël, ça a comme été une nouvelle saison pour moi parce que j'ai dû arrêter de m'entraîner en avance. Fait que, ça a été difficile dans ce côté-là, mais les résultats ont été très bons quand même. OK. Puis ça, ça doit être dur aussi. Évidemment, c'est en salle, c'est différent. Hein? C'est tellement différent, c'est ça? Ouais. OK. Mais, aussi, cet été, j'ai fait le 15 km au lac Agim. Ouais. Une belle expérience pour moi. Là, fait que... Ouais. Puis là, mais est-ce que ça te déçoit de prendre un mois de vacances? Non. C'est sûr que quand j'ai été malade au début de l'année, puis aussi, c'est un stage disons, mentalement, là, fait que ça faisait quand même longtemps que j'avais pas pris des longues vacances. j'en ai pas pris l'année. Donc, ouais. Ça va faire bien, là, ouais. Puis là, le corps veut pas... le corps doit parler quelque part aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, mes courses importantes étaient terminées, fait que c'était le moment où j'allais l'apprendre. Les vacances avant l'été prochain, parce que cette année, j'ai une grosse année d'entraînement, puis je veux me préparer pour la traversée. Donc, si j'en prenais pas là, ben, je ne l'aimerais pas vraiment avant l'été prochain, donc... OK. Mais dans l'ensemble, là, ce que j'ai su, c'est que tu l'année prochaine, tu veux faire le 32 km, c'est ça? Ouais. OK. Ouais. Donc, tu vas te préparer différemment. C'est sûr qu'au début de la saison, je vais plus me concentrer sur la piscine. OK. Mon objectif aussi, c'est d'aller aux Jeux olympiques en avril. Donc, jusque-là, okay. C'est sûr que je vais faire de la piscine jusqu'en avril, certainement. Mais à partir de Noël, je vais commencer à faire plus de pratiques de distance en piscine, mais plus gros volume d'entraînement. Ouais, okay. Plus gros volume d'entraînement par semaine pour me préparer en vue du 32 l'été prochain. C'est quoi ta force en piscine? Et moi, je fais de la longue distance en piscine aussi. OK, Du 1500-800. OK. Puis ça, ouais. ça va bien. Tu me l'as dit, tu as connu une bonne année également. Mais est-ce que les essais olympiques, j'imagine, c'est pour te donner une expérience ou vraiment tu as des chances légitimes? Oui. Non, j'ai pas de chance d'y aller, mais c'est quand même une expérience à vivre. Ben oui, c'est sûr. Puis cette fâche, je suis allée aussi au dessin et se donner des équipes pour les championnats du monde. C'est sûr qu'on a nagé avec les nageuses qui font les équipes aujourd'hui, qui vont dans les compétitions internationales, c'est enrichissant comme expérience. Ben oui. Mais donc, évidemment, on va suivre ça de très près. Comment t'as trouvé l'Acadgym? T'as gagné, ça a bien été, là. Oui, ça a super bien été. Et c'est toujours le fun de participer au l'Acadgym parce que l'organisation, c'est vraiment incroyable. Puis le lac aussi, c'est un lac peut-être assez tranquille, fait que c'est quand même exigeant parce que c'est 15 km, mais pour une première, parce que j'avais jamais fait de course de plus que 10 km. Puis pour une première, j'aurais pas vraiment tout demandé mieux, là, parce que... Le Canadien était dans la course pour l'obtenir à la date limite des échanges, là. Et lui, il est certain que Matt Chandra, Marc Bergevin, va être très actif pour essayer de l'emmener. Moi, c'est drôle. Oui, il connaît de très, très bonnes séries, mais c'est pas le gars qui transporte une équipe. Moi, je toucherais pas à ça. C'est des sous pour, justement, pour le cancer du sein, puis pour... Alors, merci beaucoup, Michel.